slow, système, mon rec. Hey, ma six place de France, ma chétane, fort track. Hey. J'viens rapper pour ma clique, car cette vie nous traumatise. Attends, ce traumatisme, place de recharge automatique. L'avenir, on cherche à le négocier comme les rotas. Mais si on rotate, on te boucap, j'dédicace ici boucac. On s'en engove et vite, les passages en go. Des potes, moi j'en ai trop. J'place à Salam, à Salango, à Zaiko quand ça racole. Aux un coup quand ça récolte. À l'école, tu pises, on m'a dit ça coule si ça rigole. Mais enfin, ça met des coups d'accord. Dans la rue, beaucoup mes cœurs. Et dans ce décor, j'vois des roues à la baquère. Arrête de lire à Billy Jack, taré de Stidai. On a la rage car la bac t'arrête. J'oublie pas ta règle, j'rappe pour mes gars, cousine pas de peau. C'est pour Calvo et les autres blacks musulmans. Pour Comoro sur le terrain, on cherche le bif. Ah, j'pose pour la foire et la mifa. Place de France, on passe devant. Salta, si tu casses, on te casse les dents. J'avoue, ça craque sur le banc. Les gosses ont des cornes, ils pensent plus qu'à mort. Des rabraques et des banques jusqu'à. C'est les mères, boules qui braquent, trop de beurre, boules demande à pas de Shanghai, c'est le capus qui parle. C'est pour les frères casse-cou qui mettent la cagoule, aucun goût à l'école, demande à Kakoua ta moule. On a un avantage dans la vente d'armes, et tant que ce sera rentable, on sera des vandales et ce n'est qu'une avant-garde. Marwan, Chicha, Zakaria, petit galou, c'est simple, entraide, on lui massacre, ça rage, je veux pas mes types à l'eau. J'ai la rage pour les équipes à l'ombre, j'ai la tricalo. Mais à gauche, demande à Fritz qu'on risque pour un passe de 10 ballons. Dans ce bazar, une promorza, que je fais pas dans le beaux-arts, je suis dans le zar qui fait des passes comme ce pauvre Sars. Le crime nous tire à la gorge, me frapper à la porte. On est tous sur la corde, demande à Franklin et à Bob. Je fais cramer les kilowatts comme le dit Dawa. C'est le Dawa, comme en Piwi le ferait le petit Wawa. Place de France, on passe devant. Zata, si tu casses, on te casse les dents. J'avoue, ça craque sur le banc. Les gosses ont des cornes, ils pensent plus qu'à mort. Et à braquer des banques. Place de France, on passe devant. Zata, si tu casses, on te casse les dents. J'avoue, ça craque sur le banc. Les gosses ont des cornes, ils pensent plus qu'à mort. Comme un vol de portable, j'suis toujours dans le coltard. Place 2, j'fais mon spull sur une prod à fort track. Des prix de vitesse, rom mon rap, arrache tous les crocs du Red Nose. Des guitares dans la gif, demande à rap Zeus. Le Baraco, Marou, Colombien. À l'arrivée sur ma route, tous mes coups seront dingues. Combien ont perdu l'âme sans réagir. Au bord du drame, au cœur du mal, j'place une pensée à quel âme et agir. J'me cœur et bah oui, c'est pour cut et pas Igo chez Anis. On cherche un trône car ici c'est la débauche, l'ami. J'veux pas être bloqué sur les rails. Ça va sous les marins, m'écoute si j'râle. C'est pour si rame, hein, sous les balles. C'est hoche dans ma rime, là il fait parler. La ronde, rien que sa gueule, alors un gros big up à ses amis à haut. J'comprends pas, on a la rage entre nous. Place de France, c'est criqué, frais juste dauphiné, centre rouge. Place de France, on passe devant. Zata, si tu casses, on te casse les dents. J'avoue, ça craque sur le banc. Les gosses ont des cornes, ils pensent plus qu'à mort et à braquer les banques. Place de France, on passe devant.